agirifocus.com, votre devoir de savoir, notre devoir de vous informer. Il t'a appelé au téléphone alors et il t'a dit quoi? Il m'a dit qu'il y a la barque, il y a les gens qui veulent partir. Moi, autant qu'un chasseur et tout, je connais un peu des trucs de la mer et tout, c'est... Naviguer. Ah ouais. En même temps, je suis un mécano là, c'est réparer les moteurs et tout. Il m'a proposé de partir avec eux sans payer un sou. En même temps, je lui donne un coup de main là pour... S'il y a un problème. Ah ouais, de navigation ou quelque chose comme ça. On a fait un compromis. Ouais, ouais, c'est ça. Pour aller en Espagne. Ouais, pour aller en Espagne. Et j'ai parti avec eux. Et toi, parce qu'en Algérie, là, ici, la vie, ça te convenait pas ou... Pourquoi t'avais cette idée pourquoi dans la tête partir un peu pourquoi tu as accepté de partir accepté Bon, il y a que... Pour moi, j'ai un TS de programmation informatique. J'ai le niveau terminal. J'ai fait des demandes pour avoir un emploi, un travail fixe. J'ai pas eu un travail. J'ai un problème à la maison. On n'a pas avec une grande maison, quoi. Je vis avec ma mère, mes frères et tout. J'ai fait avec des propositions à la commune Ternan pour avoir quelque chose pour être plus en stable. J'ai rien eu. Il y a des fois que je me sens pas vraiment que je suis un Algérien. J'ai rien là. J'ai demandé plein de choses, mais j'ai rien reçu d'eux. Je pratique la mécanique. Je répare les motos pour gagner ma vie. Ah, il y a des fois qu'il y a seulement les 3 mois de l'été que je gagne bien, là, 1000, 1200 dinars par jour. C'est suffisant pour avoir du pain, des trucs à la maison. Et l'hiver? L'hiver, c'est un peu, c'est dur un peu, ouais. Pourquoi tu disais, je me sens pas forcément algérien? Parce que j'ai, quelqu'un qui... Genre, plutôt un être humain, ou là, quelqu'un qui est un Français, ou là, un Italien, ou là, n'importe quel citoyen dans son pays natal. Il a ses droits. Ses droits. J'ai aucun droit, même. Un droit. Travail, c'est un droit. T'as l'impression que rien. Bon, ça fait que je te parle, ça fait 30 ans déjà que je fais des demandes, je fais ça. Depuis que je suis né, je suis en train de batailler là. Depuis que j'étais enfant, là. J'ai quitté l'école pour avoir un travail, pour mieux gagner ma vie. C'est ça. Toi, tu voulais... Alors, c'était pas ça, toi. Et alors juste... Il est en train de dire quelque chose de viscéral. Ouais. Mon sentiment, c'est de l'ordre indécis. Il n'a pas cette droit quand il ne se sent pas considéré comme un citoyen. Ouais. Pour lui, un citoyen, il doit nécessairement avoir le droit à un travail, un logement, tout ce... pour faire vivre sa famille. C'est le droit de n'importe qui. Quoi. Et toi, t'es marié? Ouais, depuis 5 ans. Et t'as un enfant? J'ai un pied en... Ouais. Il s'appelle Abdel Ali. Et quand t'es parti, tu pensais pouvoir trouver un travail pour gagner plus d'argent, pour avoir une petite maison, quoi. Mais ton intention en partant, c'était de revenir ou de rester là-bas? Non, je voulais rester, mais il y avait des gens là-bas, des Marocains, il y avait des Algériens qui m'ont parlé de ce qu'ils ont vécu. À l'extérieur. Toi, avant de partir... J'avais une idée, mais c'était pas un peu une idée claire. Vous voyez, c'était disais que c'était le paradis, quoi. C'est je pars, si j'ai rien, là-bas j'aurais quelque chose. Je savais pas que c'était un peu dur, quoi. Et ton but c'était l'Espagne ou tu voulais aller dans un autre pays après? C'était l'Europe en général, ça, mec, un pays européen, ça, et l'Espagne ou la France ou... Alors, donc, si tu nous racontes la traversée, donc il y a ton ami qui t'appelle, il te dit viens avec nous et en échange tu nous aides si on a des problèmes de mécanique, etc. Ouais, c'est ça. Donc après, vous vous êtes donné rendez-vous, comment ça s'est passé après? Après, un peu de départ, il y a les préparatifs. Là, quand tu as parlé, De toute façon, là, nos amis, ils font une petite une cotisation. Ils achètent une barque. Ça coûte entre 30 000 dinars. C'est ça, une barque. Avec un moteur, on a acheté un moteur. C'est mon ami qui l'a acheté. Hein? 30 000 dinars. 30 000 dinars. 30 000 dinars. Là, 300 000 dinars. 300 000 dinars. 300 000 dinars avec le moteur. Non, sans moteur. Sans moteur. Ouais. Et le moteur, c'est combien? 10 minutes 30, hein, moteur 40 chevaux. 320 000 dinars. Et un GPS? Un GPS, ça coûte pas cher. Il dit qu'on a 1 400 000, 1 500 000. Vous l'avez pris par rapport au GPS. C'est 10 fois plus. Les prix ont augmenté 10 fois plus. Depuis qu'il y a de plus en plus de. Et alors donc, vous avez les amis, tes amis, ils ont préparé tout ça, la barque, le moteur, le GPS. Et après, comment ça s'est passé? Vous êtes parti. Il y avait des. Là, écoute, mais. جورت عن عاونهم واه هذاك مكان عاونهم واه شحال خاص كبيره بون دينا حنا زياده سيتي بريفو ك مع صاحبي اللي فولي فيغ لالي روتور بوغ هاد الماتريال فولي لو ريفوند بور لو ريفوند اي لا با بي باسكو لافي لا مارين لابا اون ا بري افيك نو 200 لتر ديسانس اي فو اون فوز افيي بريفو ك سو سري كومبيان دو كومبيان دور لا ترافيرسي. À savoir que il y a la vitesse à la barque, y a, on était 13 personnes dans la barque. Donc, 5 m 20. Ouais. C'est un polyor. Polyor, ouais. C'est des barques de pêcheurs ou c'est quoi comme une... C'est une barque de pêche. Et vous aviez des provisions à manger, à boire? Ouais, on a pris avec nous des canettes de Red Bull, du lait. Des casse-croûtes, des trucs comme ça. Et alors la traversée, elle a duré combien de temps? Normal, c'était genre la fête quoi. On était en tout le temps. On a fait 12 heures. 12 heures, ouais. On a démarré de 2 heures du mat. On est arrivé là-bas à 2h30 à 4. 2h30. L'après-midi. Ouais, l'après-midi. C'était un. 12h à 4. Et alors l'ambiance, tu disais, c'était la fête. Oh, la fête. Et à chaque fois, il y avait des dauphins, on prenait les téléphones pour prendre des caméras et tout. Calme, oh. On a vu à l'internet, c'était pour la météo, c'était 3 jours de beau temps. Et c'est pour ça qu'on a décidé à partir ce jour-là. Et quand vous êtes arrivé, alors comment ça s'est passé? Bon, à l'arrivée, il nous restait 3 ou 4 km. Là où on a vu la côte. Ouais, non, pas la côte, les gardes-côtes. Les gardes-côtes, donc les Espagnols. Vous êtes arrivé dans quelle ville en Espagne? Près de Barcelona, c'était une ville. Barcelona? Ouais, Barcelone? Non, c'est. Almeria. D'accord. Parce que. Ouais, Almeria, c'est ça. Qui dit tout? Qui l'a fait? Et ce soir, le matin, vous avez le matin, le soir. Ouais, vous êtes là, l'après-midi. Donc vous avez navigué 2 jours? Sans arrêt. Non, pas 2 jours. 12 heures. Ouais, mais si vous êtes parti à 2 heures du matin, que vous êtes arrivé à 4h30, toute la matinée, il faisait jour. Non, il faisait nuit. 2h du matin, 3h, 4h, 12h. Ouais, mais donc il y a un moment où vous étiez sur le bateau où il faisait jour, donc on vous voyait. C'est clair. Ouais. Donc, vous êtes arrivé, il faisait jour. C'est ça. Et alors tu nous disais, donc à 3-4 km des côtes, vous voyez les gardes-côtes espagnols. Ouais, qu'est-ce qui se passe après? Ils sont venus vers nous, ils nous ont dit de rester calme, d'éteindre le moteur. En quel moment? Un peu, il parlait un peu français là. Il disait du camp comme ça. On a éteint les moteurs, puis on a monté dans leur barque, un par un, ouais, un gros bateau. Là, ouais. Plusieurs kibit. Après, on est parti au port. Il y avait la Croix-Rouge là. Ils nous ont donné des couvertures, des habits Ouais. Hermétique. Ouais, ouais, pour réchauffer. Ouais. Et après, on nous a donné un jus, un petit café comme ça pour se réchauffer. Ouais. Et alors après, qu'est-ce qui se passe? Bon, d'après que je m'en rappelle, on a passé la nuit chez ces jeux dans le centre. Ouais, dans pas un centre. À la Croix-Rouge. Non, il y avait des cellules. Ouais, des cellules, des petites cellules de rétention. Ouais. Bon, demain on est parti à la commissariat. Ouais, pour voir les empreintes et tout. T'avais tes papiers avec toi ou pas? Non, j'avais aucun papier. J'ai laissé tous mes papiers ici. C'est pour tout le monde. C'est parti, passe pas. Non, normal, mon nom. Même si j'ai un papier, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Tu as des papiers, ouais. Des documents que les gardes-croix leur ont délivrés. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que vous avez déclaré vos véritables identités. Ouais, mon vrai nom, mon vrai prénom. T'as ouais. dit que tu venais d'Algérie. Normal, j'ai venu pour... Ouais. Ouais, il y avait des gens, des amis à moi qui... C'est pas... Parce qu'il y avait plusieurs barques. Ligeo Morana, ouais, Ligeo Morana, il y avait... Là, on a fait des noms, hein, Kak. On a eu 60 personnes, on l'a fait le camp. Après, quand... Ils ont relâché tout le monde et... Ouais. Enfin, relâché en Espagne. Ouais. Le lendemain, ils vous ont laissé dans la nature, comme non, ça. On a passé... La nuit. Là, on a deux jours fait avec les cellules. C'est deux jours. On a un camp, c'était à Tarifa. Tarifa, ouais. Tarifa. On a passé... Bon, après 17 jours, ils commençaient à lâcher des gens. 10 après... T'as ouais. passé 17 jours dans les cellules? Non, non, pas dans les cellules. Deux jours dans les cellules. Après, ils nous ont ramenés dans un camp. Quand c'est ce qui... Non, c'est pas couvert. Normal, là, quelque... Des cellules, t'as des cellules. Chaque cellule, il y a 4 personnes. Non, un peu mieux. Ouais, khair, madame. Non, sbah, nous allons prendre notre café. Ouais. C'est un centre de rétention, de transit. Ouais, ouais, ouais, c'est ça. Centre de transit. C'est ça. Et c'était là, c'était à Tarifa. Tarifa, ouais. Tarifa, c'est quoi? C'est une ville? Ouais, une ville, une ville. Et là, c'est là que vous étiez une soixantaine à peu près? Ouais. Pendant 17 parce jours. Que... Soixantaine, les canons, le commissariat... Arrêté presque au même moment. Au même moment. Ouais. À un intervalle de 2 jours. D'accord. Ouais. Ils venaient d'Algérie aussi? Ouais, tous d'Algérie, ouais. Parce que... Quelle idée des... Là, parce que les policiers, ils savaient que... D'après quand on est venu, on était des Algériens parce que les Marocains ils ont d'autres plages là où. D'accord. La ouais. direction, les gens ils ont ouais. que tu viens d'Algérie. Ouais, si c'est ça. Almeria, c'est ça. Parce que tu peux pas dire que je suis un Marocain en arrivant par. Ouais, ouais, c'est ça. Et dans ce centre, pendant ces 17 jours, est-ce qu'ils vous ont donné des informations? Ils vous ont dit ce qui allait se passer ou vous saviez rien du tout? C'est dans le centre, exactement. Non, dès le début, il y avait le directeur, le centre, il est venu nous voir, il parlait français, parce que la plupart de ces gens, ils ne savent pas parler l'espagnol. Il parlait français, il nous a dit que là, vous êtes, c'est pas une prison, ça ne ressemble pas du tout à une prison, c'est un centre. Vous êtes ici pendant... Vous dépassez pas les 40 jours pour régler les papiers et tout. Et il y aurait des gens qui vont partir avec et liberté. Vous êtes bien traité? D'après que j'ai vu là-bas, c'est quelqu'un qui fait pas des problèmes, il n'a pas de problème là. C'est normal. Il y a le matin, on a notre café, on prend... Un douche chaque jour, presque. Et à ce moment-là, dans ta tête, tu te disais quoi? Tu avais encore l'espoir que tu pourrais rester en Espagne ou tu savais que tu allais être obligé de retourner en Algérie? Bon, et, dès le début, quand je voulais partir, c'était une décision pas... J'ai pris une décision comme ça parce que j'étais un peu malheureux, quoi. J'étais mal à l'aise. Je me suis dit peut-être que je pourrais partir en Espagne pour avoir... Mais après, quand j'ai... J'ai arrivé en Espagne, j'ai... Tu t'es dit quoi? Ouais, je me suis... ouais, c'est ça, j'ai bien réfléchi, je me suis... Qu'est-ce que je suis... Qu'est-ce que je fais ici? Ouais, je fais ici parce que j'ai laissé ma famille, j'avais un petit garage pour... Je gagnais bien ma vie. Tu regrettais un peu? Ouais, beaucoup même. Là, tu as voulu rentrer. Ouais. J'ai passé une vingtaine de jours parce que après il y avait des bagarres et tout. Ça me gênait un et peu. Et c'est toi qui as demandé à rentrer Ouais, c'est moi. J'ai parlé au responsable là-bas, dans le centre. Je lui ai dit que je voulais retourner en Algérie. Et il t'a dit quoi à ce moment-là? Bon, ils ont donné un papier, le nom, prénom. Il m'a pris le papier, il a pris le numéro de série, il était le centre. Il m'a dit que on va faxer votre demande à la direction générale pour avoir une réponse. Allahu Akbar. Direction générale en Algérie? Non, il y a. Direction générale, tu as un peu de mal, il faut que tu aies un peu de mal. Et t'es rentré en bateau? Ouais, en bateau. En bateau? Ouais. Almeria, Ghazawat. En bateau, Almeria, Ghazawat. Et pourquoi? Parce que là, tu dis, t'as une fois là-bas. Pardon. Une fois là-bas, t'as réalisé que finalement, c'était pas ce que tu voulais. Pourquoi t'as réalisé ça? Parce que quelqu'un qui n'a pas de papier, il n'a pas d'espoir. Hein. Il ne peut pas travailler, il ne peut pas gagner sa vie. Il est toujours. Les gens le regardent toujours en tant qu'un harad. Ouais, c'est tout suspect. Le temps ouais, suspect. Là. Parce que même là-bas, les policiers. Donc tu leur avais laissé un peu d'argent? Oui. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit ta femme quand t'es partie? Enfin, quand t'es revenue? Quand t'es revenue, ouais. Ouais. Elle était heureuse parce que je suis revenu à la maison, quoi. Et toi, t'étais heureux de revenir? Oui, oui. Et là, t'as pas l'intention de retenter l'aventure ou? Sais pas. Vraiment, sais pas. Ça veut dire quoi, tu sais pas? Parce que là, t'as dit que tu t'es rendu compte là-bas que sans papier, que, etc. Non, pas sans facile. Papier, mais avant tout, je voulais avoir un peu d'euros. Pour, avoir, j'avais l'argent en dinars, je voulais acheter de l'euro pour. Et mes amis, ils étaient pressés à tout temps, ils m'appelaient, rof. Genre, t'as un. Mentir. T'as pas eu le temps de s'organiser, quoi. C'est ça. Et là-bas, de toute façon, au minimum, il faut 200-300 euros pour avoir des clopes ou. Une fois que t'es sur place pour avoir un peu ta vie. Ouais. J'avais seulement de l'argent d'INA. Je pourrais pas acheter quoi que ce soit. Et tu les avais appelés une fois que t'es arrivé en Espagne, t'as appelé ta femme, ta mère et tout? Après 4 jours, ouais, j'ai appelé la maison, ma mère et tout. Et ta famille, ta femme, ta maman et tout, elles savaient que t'avais ça dans la tête ou elles étaient étonnées? Non, ils étaient étonnés parce que tout le monde, ils étaient étonnés parce que j'étais pas genre de kiffé, un mec qui part comme ça. Parce que j'avais un travail, j'avais un petit magasin pour réparer les motos et tout. Donc ça va. Ça va un peu mieux que rien, on peut dire. Ouais. Et est-ce que tu as eu peur en mer pendant le voyage à un moment? Non, un moment. Dès le début, comment dis-je? On prie Dieu pour que qu'on arrive bien, mec. Ça se passe bien, on arrive sain et sauf. Mais c'est toujours dans la bonne humeur. Ouais. Avec les dauphins? Ouais, avec les dauphins. Il y avait des fois où l'ambiance, on chantait pour donner du courage avec mec. C'est ça. Hélas, si on te disait aujourd'hui. De repartir, de retenter l'expérience en préparant, tu repartirais, tu serais prêt à partir ou... Bon, pour le moment, j'ai les idées un peu. Ouais. Je sais pas. Parce que il y a plein d'amis à moi qui sont partis. Parmi eux, il y a que. Quelques-uns qui ont pu réussir leur vie là-bas. Pas, on sait que c'est aujourd'hui, on sait que c'est dangereux, on sait qu'il y a des disparus, etc. Tu disais pas que c'était dangereux, c'est quand même on peut mourir en faisant cette traversée. Ouais, c'est un suicide. Et tu dis ça maintenant, mais tu l'as fait. Je l'ai fait parce que j'avais des problèmes, j'étais malheureux, j'étais un peu, j'étais pas bien dans ma tête et tout, j'étais un peu. Et là, ça va mieux? Non, maintenant, alhamdoulilah, on peut dire alhamdoulilah. Peut-être qu'en partant là-bas, tu as réalisé plein de choses aussi. Oui, c'est ça. À chaque fois que quand je vais dormir, je réfléchis, j'ai vu que... Tu digères cette expérience et tu vas voir ça. Plus clair encore. Ah, délire, c'est ça. C'était une épreuve. Les mots qui me ferment, que je ne trouve pas les mots pour un... وا بالخف تاع بالخف تاع كيما نقولوا حنايا تاع الو وراك صاحبي منا انا مقلعين تيو منا وا وا وا يا انكور دي جون كي تابيل بور تو دوموندي سا نو وا سي سا وي نو با مانو با مانو نو اي تي ريفوني يا كومبيان دو تان سا في اون سيمين سا في اون سيمين وي اي تا با انكور ريبري لو ترافاي اي تو نو تي باسي او غاراج ايوا تي تا بيتي باسكو اون فينو ايسي C'était, comme je disais, c'était une dame qui me chalte à l'air. C'était pas, j'avais pas les idées claires. C'est un peu... Ouais, c'est ça. Et après, 3-4 jours, c'est bon. Il y avait des amis à moi. Parce que tout le monde venait me voir. Oh, comment ça va? Comment tu es venu? Je me sentais que... On a les gendarmes. Là, on a le commissariat à la police à Ghazaouet. Il y avait les agents de police, ils ont donné du café pour boire, des clopes pour fumer. Ils ont enlevé les menottes, on était à l'aise dans une salle. Ils nous ont laissé quelques temps pour reposer du voyage. Après, ils sont venus pour nous poser des questions comme ça pour avoir un Et il n'y a normal. Pas eu de procès. T'as pas été jugé pour quoi que ce soit ou... Non, il n'y a que mes papiers, je les ai laissés chez un ami à moi. Et après... Juste après qu'on est parti, il y avait les gendarmes. Ils sont venus, ils ont trouvé ma veste avec mes papiers dedans. Ils ont demandé qui c'était ces papiers. Et normal. J'avais un petit problème de l'assurance. J'étais avec une petite bécane sans assurance. J'avais une amende à 2000 dinars, je l'ai payé, c'est bon. C'est pas de problème, c'est tout. Non, pas. L'amende, c'est, ça n'a rien à voir avec. Ouais. Là, il ne peut pas avoir de procès. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai récupéré mes papiers. Mais ça dépend de qui, sur qui tu tombes, du moment, etc. Si tu as raison, parce qu'on a rencontré hier un mec qui avait fait 2 mois de prison ferme en 2006. On a rencontré un mec, il est parti en 2006, il a fait 2 mois de prison ferme, c'était sa première fois, c'était même pas un multiple. Wow. Ils ont été appréhendés en pleine mer. En pleine mer. Mais si les gardes-côtes, oui. Le territoire terrain. S'ils te pressent dans les eaux algériennes, c'est différent. Mais si quelqu'un vient de là-bas, c'est autre chose. Tu vas voter ou pas pour les élections? Voter pour avoir le truc là, la carte, le tampon, c'est tout. Parce que on a voté des centaines de fois. Ouais, ça n'a pas changé. Ça a un peu changé, genre. Je suis chouïa. Un peu chouïa avec mec. Et qu'est-ce que. Tu penses que le gouvernement il fait quelque chose pour lutter contre ça ou non? D'après que. Bon, on peut dire que. Il y a un proverbe qui dit que qu'on est des pauvres, qu'on vit dans un pays riche. C'est vrai, on est des pauvres qu'on vit dans un pays riche parce que l'Algérie, elle a des moyens. On a le pétrole, on a le gaz. Le président, il peut faire quelque chose pour les jeunes. Il peut donner un coup de main, genre... Mais on n'a rien... Et alors le mec d'hier, il nous disait... Il n'y a rien. Si même vous ne voyez pas la couleur de l'argent. Non, on voit la couleur de l'argent si on travaille durement. Il a un travail, c'est ça. Son oncle et tout, il n'est pas vraiment. Comment il est pas pauvre, moi, j'étais le jour, j'avais les mains noires pour apporter du pain blanc à la maison. J'étais tout le temps en train de réparer des motos, tout le temps j'étais avec des habits sales et tout. Pour seulement avoir de l'argent pour. Sinon, si je voulais avoir un appui ou un coup de pouce, je vais des demandes ou là pour avoir un travail mieux. J'ai pas reçu de réponse, même pas. Il n'y a rien. C'est légitime. Quelqu'un qui. Il y a un sentiment vraiment d'injustice. qui travaille là en Algérie, on trouve des gens qui... Il est un serveur. Si tu vois son niveau, il a le... C'est pas un doctorat ou là, quelque chose... Il a passé toute sa vie en train d'étudier, faire des trucs comme ça, mais... Il n'a pas le travail pour ouais, ça. C'est ça. On peut trouver quelqu'un dans l'administration, il ne sait même pas écrire son nom, il est en train de... Vous voyez ce que je veux dire. Pas tout changer, on peut pas, on n'a pas, comment dire, la bague de Souleymane. On la tourne comme ça, on fait un vœu et c'est bon, c'est pas comme ça, on a la baguette magique. On fait ça, c'est bon, ça y est, c'est réglé. Mais il faut que... Nous, faut que je suis avec les jeunes. Parce que les jeunes, c'est tout, mec. C'est eux qui me goulent que la base dans le pays. Parce que l'Algérie, il y a la seule arfa. Normalement, il y a 65% des habitants de Tawananaya. C'est la majorité des Algériens sont des jeunes. Et c'est grave de laisser tous ces jeunes comme ça. Accabler Welou. On dire Welou ou rien. Ouais. On nous appelle seulement pour voter ou pour. À part ça, rien. Pour voter, il y a toujours des publicités à la télé. Il faut voter, il faut faire ça. Il faut... Après le vote, ça y est. On oublie qui. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu pourrais me redire, parce qu'elle parlait à ce moment-là, la phrase que tu as dit, j'ai bien aimé avoir les mains noires pour le pain blanc. Ouais, c'est ça, c'est un proverbe qu'on dit, il n'y a pas comme les mains noires qui rapportent du pain blanc. On est toujours en train de travailler durement pour avoir de quoi manger. Ou c'est mieux d'aller voler ou faire quelque chose. Après, on est en prison, c'est grave. Un travail pour un... C'est ça. Depuis que j'avais 20 ans, 19 ans, j'étais en train de travailler. Hatel drog, jusqu'à maintenant. Travail. Tout ça pourquoi? Pourquoi? Pour vivre. Pour survivre, ou la kigoulou. Ah, wallah. Mais quand je ne dis pas de l'argent, c'est un mec à la jiha à part. Là. C'est grave. Algériefocus.com, votre devoir de savoir, notre devoir de vous informer.